Oh, nous nous rassurions alors comme nous pouvions. Sarkozy ne devait être qu'une parenthèse. Bah, alors que vous êtes intelligent et beau gosse. Ah, vous êtes habillé de la même manière que moi. La France aujourd'hui, ridiculisée comme jamais par des dirigeants incompétents. Pas de me dire, je serai ton esclave. Et nuisible, récidive, en Syrie. Già a Silvia, sta pianto. Già come leopardi. Sous ses airs placides, modeste président du conseil général de Corée. Je me rappelle juste quelques mots. Cacher un belliciste si sincère. Ricordo ancora quel tempo della tua vita mortale, quando beltà splendea. Que Tony Blair en son temps à George Bush. Cette soumission est telle que l'on devine même. Alors, un restaurant parce que je viens manger. Semblable à celle de l'épouse légitime envers la maîtresse. Plus inquiétant encore. Oh, le geste qui me fait craquer. Qui n'ont avec nous aucun lien historique ni culturel. Seulement des liens d'argent. Un geste. Trébuchant. Je sais pas, ça peut être. Une caresse. Là, une caresse qu'on se fait à soi. Ah, je veux un rouge. J'ai rougi, j'ai des plaques partout. Arrière-garde de tous les mouvements djihadistes internationaux. Il y a du sang qui monte. Le terrorisme et la guerre, non seulement en Syrie, mais aussi au Sahel, en Afghanistan, hier, en Libye. La France maîtresse des USA, devenue le captain des mires de l'Union. Moi j'aime tous les compliments. Je prends jamais assez les compliments. Je vois qu'on doit la monter. Je romprai avec cette diplomatie du renoncement et de la servitude. Je redonnerai sa voix à la France. Son rôle spécifique dans le monde. Tenez, mais les enfants, c'est une sera au service de ses intérêts. Et de ses intérêts seuls. Je renouerai des partenariats privilégiés avec toutes les zones d'influence du monde et je ne permettrai à aucun pays de décider à la place de la France qui est fréquentable et qui ne l'est pas. Je propose également un outil militaire et de renseignement digne de ce nom. Une armée pleinement autonome, sans carence capacitaire, dotée des moyens matériels et humains nécessaires. Ah, j'ai des liens rouges. J'ai rougi, j'ai des plaques partout.